Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis. En ce lundi 28 janvier 2013, je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, c'est Jean-Philippe Champagneau. C'est vrai, j'ai un nom de famille. C'est vrai, les co-animateurs ont tendance à pas dire leur nom de famille, en dire qu'il veut pas être associé à moi. Non, c'est ça. Je les comprends. Oui. Salut Jean-Philippe, t'as passé une belle fin de semaine? Bon, oui, très belle fin de semaine. Beau repos, bien mérité. Ça passe vite, hein? Eh oui, trop vite. Ça va de bord, blou! C'est lundi. C'est fini, c'est lundi. Parlant de survivre et de bord et les choses changent, ce sera l'émission d'aujourd'hui pas mal parce qu'on a un plan chargé et on ne donnera pas notre, comment dire, là, notre pain du matin. Acquis de droit. Voilà, comme dirait Patrick Bruel. C'est ça. Bon. Donc aujourd'hui, on aura Simon Fitzbé à 7h30 avec sa chronique éditoriale « Si mon humeur vous déplaît ». Il dit qu'il aime pas ça chialer. Des fois, il chiale, des fois, il chiale pas. Ça dépend des semaines. On verra. Ensuite, aujourd'hui, les heures sont un petit peu approximatives. Vers les 7h45-8h, on aura Joanie Chiquan qui va nous parler d'une activité de fitness Zumba qui a lieu à 8h aujourd'hui. Superbe. On aura aussi à 8h Sébastien Dulude et son éditorial. Lui aussi, éditorial, mais du côté plus culturel. Oh, c'est Va voir, j'y suis. Et là, il écrit une lettre à la corporation de l'amphithéâtre, le truc. Bon. Sur le fleuve. Sur le fleuve, exactement. toujours en or, Alexandra Carignan, sa chronique Le temps d'une culture va être à 8h30. Entre tout ça, on va recevoir quelqu'un pour parler du carnaval. Oui, Marie-Michel Boudreau. Boudreau! Du carnaval. Ben, c'est bon, ça. Puisqu'on est en semaine du carnaval, disons-le. Ça paraît pas encore à cette heure-ci parce que les gens sont pas encore arrivés, mais quand ça va commencer à crier et à sentir la bille... Advienne que pourra. Advienne que pourra. Priez pour nous, Jésus, Marie et Joseph. Bon. C'est ça. Et puis, on a une nouveauté aussi dans notre mois janvier pic. Tu le sais, Jean-Philippe, tout le mois de janvier, c'est janvier pic. Tout à fait. Ça fait fureur. Une nouveauté. Une nouveauté par jour. Tous les jours. Et aujourd'hui, c'est un spin-off de la chronique des palmarès. C'est fou qui s'appelle Un instant classique. Vous savez qu'au palmarès, on fait un instant classique et on passe les meilleurs moments d'assemblage requis. À assemblage requis, on va faire Un instant classique édition palmarès. On va passer les meilleurs moments des palmarès. Hein? Oh, c'est comme un best-of du best-of. Et voilà. Oh là là. Si on veut. donc, ce sera plus tard dans l'émission. Tout ça va fitter dans un beau petit 2 heures qu'on va commencer à l'instant en musique pour réussir à finir par commencer. Hein? Si on veut finir, il faut commencer. Ben oui. On a-tu des belles petites phrases songées aujourd'hui? Hein? On est plein d'espoir. Et débile. Je suis pas sûr que l'espoir, c'était le mot que je voulais sortir, mais c'est sûr qu'il est sorti. Ça fait Barack Obama, là. Oui, Hope and Change. Hope. quelle pièce de Peter allons-nous entendre? J'ai pris le CD comme ça. Je me suis dit que ça commencerait le lundi bien smooth. Fait un peu moins froid que la semaine passée, mais en tout cas, c'est ça. Je sais pas pourquoi je dis ça non plus. Mais Peter, je dirais peut-être la 4, 5. Qu'est-ce qui tente? La 4 et la 5. Oh là là. On y va avec la 4, tu sais. OK, d'accord. Réverbère. Ça me va. Assemblage requis, bonne émission, bonne semaine tout le monde. Pendant que tu dors, moi je titube. Je circule en amont de fleuve de bière. J'arriverai sous peu à l'océan. Je marche peu à peu vers le néant. Peter Peter et la pièce Réverbère à Assemblage Requis. C'est la première fois, je pense, qu'on l'entend à Assemblage Requis, c'est bon? Ben oui, c'est... puis c'est une bonne chanson. Oui, il faut faire changement des fois. À cette heure-ci où les réverbères s'éteignent. Les réverbères s'éteignent peut-être. Hein? S'éteignent. S'éteignent. S'éteignent. Nous, par contre, on est allumé. On est allumé. Wow! C'est un fait! Wow! C'est un bon slogan pour l'émission au complet, ça. Les oui. réverbères s'éteignent. On, vous... on est allumé. Mais nous, on est allumé. Ou on vous allume. Oui. Une bonne, un bon slogan aussi pour la campagne anti-tabac. Oh, ben bravo. Donc, c'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Allons-y avec quelques petits faits technologiques pour commencer. On y va avec des jeux vidéo. Un garçon de 12 ans qui s'appelle Hans Jorgen Olsen s'est sauvé, lui et sa sœur, d'une attaque de chevaux, ou de cheval en utilisant des habiletés, des capacités qu'il a apprises dans le jeu World of Warcraft. Hans et sa sœur sont accidentellement entrés dans le territoire de différents... c'était des orignaux. Pourquoi est-ce que ça me dit horse? Ah, c'est moose, excuse-moi, j'ai lu horse, mais c'était moose. Ah, des fois, la photo est assez évidente. En plus, ça monte en orignal, ça. Donc, l'orignal a attaqué. Hans un petit peu, genre... comment dire? Était à mauvaise place au mauvais moment. Je pense qu'il était à mauvaise place au mauvais moment. Exactement ça. Donc, il a joué les morts et puis il a fait perdre l'intérêt que l'orignal avait envers eux. Et donc, dans le jeu, le taunting qu'on appelle, c'est utilisé pour attirer l'attention des ennemis et ensuite faire semblant d'être mort pour que l'ennemi t'ignore. Donc, le taunting, c'est comme, tu fais comme « Hey, salut, je suis là, tu l'agaces, tu le gosses, tu le pauvre. Oui. » Puis finalement, tu fais le mort. Et puis tout. Et lui, il s'est mis en l'énant avec ça. Et c'était dangereux, peut-être oui. un peu, mais bon. En même temps, il a sauvé sa vie et la vie de sa sœur. Les armes des personnages dans Donkey Kong 64 étaient à l'origine de vrais portaient à l'origine de vrais fusils. Donc les armes étaient des vrais fusils dans le jeu. Maintenant c'est devenu évidemment des fusils à noix de coco et à d'autres affaires comiques comme ça. C'est ce qu'on a vu dans le jeu à la fin. Et puis on dit que ce changement-là a été fait pour éviter la controverse et s'assurer que le jeu reçoive une cote familiale sur Nintendo 64. C'est cute. Oui. Je trouve ça beaucoup plus cute pour un jeu vidéo comme celui-là d'avoir des noix de coco. Des noix de coco, des petites bananes. Eh oui. 220 millions de tonnes de vieux ordinateurs et d'autres matériels technologiques sont jetés aux vidanges, aux poubelles aux États-Unis à chaque année. 220 millions de tonnes. Too much. Google est officiellement une compagnie qui aime les chiens. Leur guide du parfait employé encourage, dans le fond, les employés d'amener leurs chiens au bureau, mais de ne pas amener de chats. Ils n'aiment pas les chats chez Google. Ah! Sais-tu que les MP3 existent depuis 1991? Non. Par contre, évidemment, ils sont devenus populaires grâce à Napster en 1999. C'est là que leur popularité a explosé. Mais ça existe déjà depuis 8 ans. Ça fait longtemps, Napster? Ben oui. On pense pas à ça, mais ça fait... oui, vieux souvenir. 13, 14, 14 ans? Oui. Oui, j'ai compté vite. Hein? Oui, quand même. En 2003, en Europe, on a ouvert la première First Tell School en Italie. C'est le nom de l'école, First Tell School. Il y a un programme, dans le fond, qui montre aux étudiants comment devenir des animateurs de jeux télévisés. Des gens d'Yves Corbeil. Oh! Ou Call TV. Est-ce qu'ils ont un cours? Un cours comme à parler. Cours de com, je me dis. En 1973, la route de la parade d'inauguration du président Nixon était remplie de pigeons morts. Les oiseaux avaient mangé un truc qui était supposé éloigner les oiseaux des arbres, un genre de repellent, là, un repousse-oiseau. Et donc, ça a fait mourir les oiseaux qui sont trouvés sur la route. Bienvenue. Bienvenue à vous. Mot dièse. T'as peut-être entendu parler du nouveau mot pour hashtag sur Twitter en France. Ils veulent dire mot dièse. Mot dièse. Mais mot dièse, hein, c'est une erreur, nous dit-on. Parce que le dièse, c'est un signe dans le domaine de la musique, là, où t'as deux barres verticales et dans le milieu, deux lignes horizontales, mais qui font une pente qui oui, monte. Tout à fait. Alors que le hash, ce qu'on appelle en anglais un hash, mais en français, on dit dièse quand même, mettons, sur le téléphone, là, mais c'est deux lignes diagonales, donc deux barres obliques, et c'est celles du milieu, celles qui sont à l'horizontale, qui sont comme un égal, qui sont droites. En musique, c'est les verticales. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Oh. Fait que ça marche pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. Oh là là. Mais comment on appelle ça en français? Sinon, c'est pas un dièse, l'autre. Je sais pas. Un carré penché. Un carré penché. Ben, c'est, on l'a déjà dit, mais c'est comme au téléphone quand l'opératrice va dire faites le carré. C'est pas un carré. Non. Il est en diagonale. C'est les enfants qui l'ont fait, ils ont dépassé. Mm-hmm. Et notre chroniqueur Jasmine Raymond-Réville a sorti que l'étoile, c'est un flocon. Oui, c'est vrai, un petit flocon. Petit flocon. J'aime ça. Donc ensuite, le cœur humain n'est pas du côté gauche du corps comme on le pense. Quand on fait, tu sais, les Américains vont faire, tu sais, leur genre d'affaires religieuses. Les nationaux. Les nationaux sur le côté gauche. Mais dans le fond, non, le cœur est pas mal au milieu si on regarde les photos. Pas mal au milieu. Bref, c'est presque tout le monde sait ça, j'imagine. Les newticles, c'est des testicules synthétiques pour les animaux qui n'ont plus leurs testicules. Donc le slogan de la compagnie, c'est comme si rien n'avait changé. Comme si. Ouais, oui. Dans les Simpsons. À quoi ça sert? C'est pour l'ego de l'animal? Je pense que c'est ça. Il se regarde dans le miroir et fait comme, il me semble que je me sens. Ouais, j'ai plus rien à lécher. Là. C'est ça. Ouais, le pauvre chat. Oh, c'est le fun. Ah. Oh, je le comprends, le chien. Oui. Je pense. Dans les Simpsons, Apu a étudié la science des ordinateurs, la computer science, à l'école qu'on appelle Springfield Heights Institute of Technology, ce qui veut dire shit. Springfield Heights Institute of Technology. Le shit. Le shit. Le shit, peut-être. Nocturia, c'est un terme médical. Quand on a besoin de se réveiller la nuit parce qu'on a à faire pipi, ça s'appelle la nocturia. Nocturia. Peter Durand a breveté la canne d'aluminium, la canne de conserve, en 1810, alors que Ezra Warner a breveté le l'ouvre-canne en 1858. Et entre-temps, les gens utilisaient un marteau et un... Tournevis. Un tournevis. Ouais, deux outils. Ouais. Féroce compétition ici. Et voilà. ensuite de ça, la meparunia. Meparunia, oui. C'est l'activité sexuelle qui est savourée seulement par un des deux participants. Donc quand l'autre n'a pas de plaisir, c'est de la meparunia. Quand il y a juste une personne qui aime ça. Ça prend 120 litres d'eau pour produire un verre de vin, une coupe de vin, et 16 000 litres pour produire un kilo de bœuf. Le ratio idéal de sable versus eau pour faire des châteaux de sable est de 8 contre 1. C'est exactement 8 parts de sable pour une part d'eau. Ça va faire le château parfait. Oh. On devrait faire le test. Avis aux voyageurs. le code pour composer un numéro de téléphone à l'international. Tu sais, t'as tout le temps plein de chiffres à faire avant de faire le numéro de téléphone. Donc, en Russie, le 007, c'est le code. Oh, 007. Ils sont tellement chanceux. Hey, vraiment, là. Hein? Les chances que ça. Je suis jaloux. ensuite de ça, Aldesco. Un autre mot, une autre définition. Aldesco, c'est quand on mange son lunch seul au bureau. Aldesco. Oh. C'est très sympathique. Tu sais, je vais manger tout seul à mon bureau. Je vais manger Aldes. Oui. Tout le monde est comme une nouvelle marque de petits plats congelés. Non. Ah, mais il devrait faire ça. Oui, ça serait très bon. J'aimerais ça. Bon, mais l'idée est sortie ici. Fait que ça, on a des copyrights. Copyright. Si, il pouvait sortir ça à la cafétéria ici. Ah, ça serait bon. Sodexo présente Aldesco. Ah. Et pour terminer la première partie du bloc, la Fédération internationale d'échecs, la World Chess Federation, fait des tests antidopage sur ses joueurs. Pas de triche, non. Oui. Essaye même pas. Non. Faire avancer ton pion. T'as pris du Ritalin, je le sais. Oh! Coquin. En hommage à ça, voici l'échiquier de l'Inéa. Oh, wow. Simple de même. Wow! On revient avec plus de cet effet. La poussière casse de corps. La pièce L'échiquier d'Olinéa, je pense que c'est un succès en ce moment. C'est fou, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup, hein? Puis ça jouait beaucoup aussi en fin de semaine. J'ai l'impression d'être encore vendredi. Merci, c'est fou. Strip sur Olinéa, toi, là. Oui, j'aime bien. Un groupe que j'ai vu en spectacle, beaucoup d'énergie. Ça brosse. C'est le fun. T'avais vu Peter, je pense, aussi en spectacle. Oui, c'était très bon aussi. C'est beaucoup d'énergie, ça brosse. Non, mais ça, oui, mais contrairement à la croyance populaire, ben je sais pas, c'était peut-être juste ma croyance à moi, mais... Mais t'es très populaire. Oui, mais c'était un show autant mal qu'un autre show. Là. Mais j'aurais cru que ça aurait été un public très féminin, un peu comme au 281, comme tout le monde. Oui, ben parce qu'il est beau. Ben oui, c'est ça, puis tout le monde triple, les filles, sur lui. Peter, voilà mon cœur. Bon. Oui. Continuons avec la deuxième partie de cet fait. Vous savez, la clé des choses véridiques, véritables et vérifiables. Jennifer Aniston, parce que là, je suis dans Friends avec ma copine que je salue. Ah, bonjour. On est dans Friends, on est rendu à saison 7. Ça avance vite, ça n'a pas d'allure. Il y en a juste 10. C'est bientôt la fin. Et malheureusement. Donc, Jennifer Aniston, son vrai nom, c'est Jennifer Anastasakis. Oh. Ah, ben, différent. Anastasakis. Margaret Carey est le nom de la top modèle qui a posé pour les artistes de chez Disney pendant qu'ils créaient Tinkerbell. Oh. Il y a une femme derrière Tinkerbell. Tu sais, tout le monde qui trouve que Tinkerbell est cute, ben aller chercher Margaret Carey. Peut-être qu'elle a vieilli depuis. Oui, peut-être. 90 ans, mais bon, dépendant de vos fantasmes. Il y a sûrement une photo pour immortaliser sa jeunesse. Quand elle avait 20 ans. Oui. En avril 2010, Bill Gates avait donné, jusqu'à cette date-là, environ 30 854 millions, il faut être précis quand même, dans sa vie. Ce qui est plus de la moitié de ce qu'il vaut en ce moment, qui est 61 milliards de dollars. Donc vraiment, il y a des gens comme ça qui sont riches, mais qui sont généreux. Ouais, on parlera pas des crédits d'impôt. Aussi, mais il n'était pas obligé d'en donner autant, ça. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, il est vraiment généreux, puis sa grosse fondation avec sa femme. Là. On peut pas chialer contre ça. Ben là, non. Ingvard Kamprad, fondateur de chez IKEA. Hein? Il vaut 28 milliards de dollars, lui, mais conduit une voiture Volvo 1993 qui vaut 1500 dollars. Oh. Tu vois, lui, son argent, c'est peut-être, tu sais, on dit les riches deviennent riches parce qu'ils sont radins, t'sais. Ouais. On sait pas. Ou peut-être que c'est juste parce qu'il se dit, j'ai pas besoin de plus que ça. C'est peut-être lui qui l'a monté lui-même. Il y a une valeur sentimentale. Il y a une pièce en trop, tu sais pas où elle va. Bob Marley a eu 3 enfants qui sont nés de 3 femmes différentes en un seul mois. À l'intérieur d'une période d'un mois, 3 enfants, 3 femmes différentes. Qu'est-ce qui s'est passé ce mois-là? Je sais pas. Il est allé chez IKEA puis il a fait des affaires sur des lits. Essayez les matelas. C'est ça. Sinon, allons-y avec le prochain fait. Mariah Carey. Tu connais Mariah Carey? Oui. Elle dort 15 heures par soir dans une pièce remplie d'humidificateurs les soirs de ses concerts. Ben, le soir avant ses concerts. Mmh. 15 heures pour avoir la meilleure voix possible. En 2002, Steven Spielberg a enfin terminé le collège après 33 ans de pause. Et puis, il a donné le film Schindler's List, la liste de Schindler, comme student film requirement. Il fallait, j'imagine, qu'il fasse un film, moi, c'est ce qu'il a donné. Il a donné Schindler's List. Il a dit, j'ai déjà fait ce film-là, je peux bien mettre ça. Rien de moins. Christina Ricci a été refusée pour 2 rôles dans des films mettant en vedette Leonardo DiCaprio. Elle a été refusée dans Roméo et Juliette, où elle devait jouer Roméo, non, Juliette. Et Rose dans Titanic aussi. Voilà. Elle a été refusée. Non, merci. Matthew McConaughey, des fois, doit arrêter de manger parce qu'il dit qu'il est trop excité sexuellement par la nourriture. Ça, c'est drôle, ça. Je sais pas, tu sais. C'est un peu bizarre. Oh, ben, en tout cas, tu le dis. T'en es fier. Ouais. En tant que tu t'assumes. Les ornithorynques, c'est ça, platypus, il me semble, platypus, ornithorynques, bref, ils situent leur proie en détectant les champs électriques générés par les contractions musculaires. J'aime ça, je veux juste aller voir une photo d'un platypus, voir si c'est bien un ornithorynque. Oui, c'est bien ça. On confirme. Un animal qu'on appelle turkey vultures, le turkey, je sais que c'est une dinde, vulture, c'est un oiseau. Vulture, un vautour, voilà, vont uriner sur leurs propres pattes pour rester au froid et pour tuer les bactéries qui viennent de leur précédent repas. OK. Super. À ne pas faire à la maison. Il y a des oiseaux sauvages en Australie qui peuvent imiter le son de caméras, d'alarme de voiture et de scie à chaîne. OK. J'aime ça. Le mot gorille vient d'un mot grec qui veut dire une tribu de femmes poilues. Gorille. Il nous en reste que quelques-uns ici, dépêchons. Les premiers ballons étaient fabriqués à partir de testicules d'animaux. Les premiers ballons. Intestin d'animaux. Okay. Les homards ont des dents dans leur estomac. Oh! Hmm. Tu sais, les Mexican Jumping Beans, là, tu peux acheter ça sur Internet et partout. Oui. C'est des petites fèves qui sautillent. Mais c'est parce qu'ils ont une minuscule chenille d'un quart de pouce à l'intérieur de ces fèves-là. C'est pour ça que ça saute partout. Ah, c'est truqué? C'est pas le poids lui-même. Oh! Quand tu dis les poids qui sautent, pas les poids qui sautent! Les chenilles qui sautent dans un poids. Les poils sur la queue d'une girafe sont environ 10 fois plus épais que les cheveux normaux. Des humains, cheveux normaux. Ceux des humains. Oui. Voilà. Ceux qu'on connaît. C'est dru, ça. Dru. C'est dru. C'est ce que t'appelles un poil épais. Oui. T'as des poils dru. J'aime ça. Ensuite, les reines, tu sais, comme les petits rayonnets rouges, là. Les reines aiment manger des champignons psychédéliques. Des fois, ça les met high. Et c'est pour ça qu'on appelle, dans le fond, que dans le conte de Noël, on a fait voler. Oh. Les reines. Il y en a un qui a le nez rouge. Oh, ben voilà, voilà. Daphné. Tu connais le prénom Daphné? Moi, plus Daphné. Ouais. Daphné. Ouais, ouais, y en a que c'est ouais. Daphné. Parce que, dans le fond, c'est des petits poissons d'eau fraîche qui nagent d'une drôle de façon. C'est comme une puce d'eau. Puce ouais. d'eau. Daphné. Voilà. Super. Et puis, c'est ça, celui-là, je sais pas qu'on avait déjà fait, mais je le trouve intéressant quand même. Les pilules contraceptives, anticontraceptives, pour les humains, fonctionnent aussi sur les gorilles. Oh! Ouais. C'est ça. Ah, moi, j'en ai appris une bonne en fin de semaine. Quoi donc? Le fromage. Ouais. C'est l'ingrédient le plus volé au monde. OK, comment ça? Ben, c'est ça. Ah, c'est bon. Ben, sûrement. Ça doit être ce qui est le plus populaire aussi, ce qu'on trouve partout. Je sais pas si comment les voleurs entrent dans le magasin. Est-ce qu'ils font les trous, comme tu vois? Je sais pas. C'est bon. Faudrait demander à un voleur de fromage. Ben, c'est ça. Et on en a un, justement, en ligne en ce moment. Bonjour! Ça aurait été parfait, là. Ça aurait été le timing parfait. Ouais, mais non. On dit qu'on l'a pas l'affaire, non? Le téléphone ne sonne pas. Intéressant. Moi, j'aurais pensé du pain. Oui, oui. Ça me semble que c'est plus nutritif, ça remplit plus l'estomac, c'est, t'sais, ou des céréales, t'sais, genre. Ben, c'est que ça se cache mal. Du fromage, ça se cache bien parce que c'est tout petit. C'est tout petit. Dans la poche. Tu vois la grosse meule. Tu sais, si t'es, mettons, sans abri, tu vas rester au froid, dehors. Le fromage, il faut qu'il reste au froid de toute façon, des fois, parce que c'est meilleur. Oui, c'est vrai. Le fromage chaud, c'est bon, mais pas tous les fromages. Plein de raisons. Oui. Plein de raisons. Voilà pour cet un fait. Dans quelques minutes, Simon Fitzbay et Simon Humeur vous déplaient. Ils vont nous parler de Theresa Spence et d'Occupation Double. Oh, oh hein? Parce qu'ici, on parle rarement positivement d'Occupation Double. Ça se pourrait que ce soit vraiment. Pour l'instant, on écoute ensemble Atomic Baobab. Oui. Et on s'en va entendre une pièce qu'on entend beaucoup moins ici à Assemblage Requis. C'est L'âge de raison. Ça va être bon. Chose que j'aurai un jour. Oui, un jour, quand t'arrêteras de voler du fromage. Et voilà. Dans ton bec de corbeau. Oh! Oui, oui. Ouais. C'est ça le compte. Hein, qui est le renard? Je sais pas. Toi, t'as grosse queue. Oh! Et voilà, c'est dit. Of what will be, yeah. Cause it's a day. Tantôt, on parle d'occupation double avec Simon Fitzbé. Avec l'âge de raison. Oh, oh, oh, oh, ils sont à peine majeurs, eux autres. Hein? Mais non. Mais ce qu'ils méritent, c'est un majeur. Oh, comme dans, oh, comme dans les envoyés pour rappeler, c'est drôle, c'est drôle. C'est parfait. Reste là. Rassemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous écoutez Assemblage requis jusqu'à 9 heures. Galaxy et la pièce Requin et Tigre. Jean-Philippe, tu trouves pas qu'il manque de gars en studio? Ouais, ouais, ça manque de saucisse. Saucisse cocktail en jus! Voici Simon Fitzbé, Simon Humeur, vous déplaît. Simon, c'est ce qu'il fait, c'est qu'il nous débouche une canne. Tu sais, quand il chiale, il débouche une canne, non? Ah. Déboucher une canne, c'est pas ça, toi? L'expression? Déboucher, non. Déboucher une canne de... Non? Non. Personne dit ça? OK. Bon. Mais on a appris quand est-ce que ça a été inventé, par exemple. Oui, c'est ça. 1800 quelque chose. Bref, Simon est avec nous pour son éditorial. Oui. Ça va? Oui, ça va très bien. Et vous, messieurs? Il a perdu parmi nos blagues là, qui n'ont pas vraiment de sens. Ouais. On se réchauffe depuis une demi-heure, c'est à cause de ça. Ah oui, voilà. Le début de la semaine qui est... C'est rough and tough. Donc aujourd'hui, on parle d'occupation double et de Terry Suspense. C'est les Amérindiens, encore une fois. En effet, ouais. Messieurs, la semaine dernière fut marquée, oui, par la fin de la grève de la faim de la chef d'Attawapiskat, Teresa Spence. On dirait que tu fais du scalabrubap. Oui. Jazz. Non, on parle de grève de la faim. Oui, mais non en même temps. Dis-moi, ils sont quoi les éloquents animateurs de Radio X, Dominique Moret et Éric Duhaime, pour qui cette grève n'était qu'une simple cure d'amaigrissement. Tu sais, une bonne joke de grosse, c'est tellement sympathique et de bon goût. Goût! c'est goût! Ah, c'est malade. Donc... On s'est beaucoup amusé, oui, à ridiculiser la bataille de la chef Spence dans les médias de droite. Sun News, par exemple, a aussi affiché le titre « Idle No More » lors de la fin du lock-up des Canadiens pour amoindrir le poids du mouvement dans l'Ouest. parce qu'il y a des équipes dans l'Ouest aussi qui jouent contre Canadiens, c'est ce qui est le plus important. Mais du côté des médias gauchistes de l'Axe, on peut aussi, on a aussi, dis-je, ridiculisé des gens qui ne le méritaient pas. En effet, nous avons assisté à une véritable campagne de salissage du couple le plus glamour du Québec, celui que forment les vainqueurs d'Occupation Double, lorsque ceux-ci se sont rendus à Ottawa pour rencontrer le premier ministre Harper. L'acharnement des médias qui se sont permis de ridiculiser sans honte les glorieux gagnants d'Occupation Double me déçoit au plus haut point. Pour une fois que notre bon premier ministre prend la peine de rencontrer les Québécois, nous ne pouvons-nous pas, oui, être fiers de ces Kate et William de cette édition du plus gros show de dating au Québec? Bon, d'accord, là, c'est pas la Madame Spence, mais il s'agit pas de n'importe qui non plus. Mais non, c'est pas on les connaît. Mais on sait c'est qui. Après tout, lorsqu'on y pense, Harper se fie probablement plus au code d'écoute du Québec. OD est une des émissions les plus écoutées de la province. À chaque semaine, plus d'un million et demi de filles s'installent et passent 1h30 à suivre les péripéties réelles. Le nombre décroissant de célibataires, tout en faisant le plaisir, oui, de les bitcher et d'avouer leur plaisir coupable sur Facebook. D'ailleurs, n'oublions pas non plus que le couple gagnant, c'est représentant de la réalité québécoise et choisi par les filles qui regardent ironiquement OD. Non, ben, ils disent tout ça. Hein? Oh, ouais. Je regarde ça pour en rire, moi. Ouais. C'est juste drôle, tu sais, c'est pas... Non, ben oui. You're right, exactement. c'est eux qui le couronnent un peu comme une élection, sauf avec beaucoup moins de choix et avec moins d'une semaine de campagne. Un douche, une chick, c'est pas le temps de niaiser. On a aussi reproché au premier ministre de ridiculiser oui, Theresa Spence en organisant cette rencontre avec le couple chéri du Québec pendant justement la grève fin de Mme Spence. Non, mais franchement, est-ce que la madame, elle, a accompli la moitié de ce que Hubert et la fille ont accompli? A-t-elle réussi à attirer l'attention de 2,5 millions de Québécoises un dimanche soir pendant près de 10 semaines? Non, je pense pas. Est-ce qu'on a consacré, oui, son non-talent et sa capacité à cruiser par un condo à Laval et un char? Je ne crois pas non plus. Est-ce qu'elle a un jacuzzi dans son wigwam? Messieurs, se poser la question, c'est un peu y répondre. Et non seulement Mme Spence n'a aucun des attributs précédemment cités, mais soulignons aussi qu'elle n'offre pas les mêmes opportunités photo que nos deux gagnants. J'aimerais d'ailleurs faire remarquer que le couple est accessoirement beau, mais surtout qu'ils peuvent sourire en présence du premier ministre. Fort est de parier que Mme Spence aura du mal à montrer sa joie si jamais elle rencontre le gars qui lui a fait manger de la soupe de poisson pendant plus d'un mois. Mmh. Tu sais, il essaie à prendre dans la balance, hein. C'est bien beau de parler d'eux comme ça, mais on n'est peut-être pas au courant de qui sont vraiment Hubert et Ariane. Hein? Andréane, plutôt, dis-je. C'est pareil. Puis il est important de bien connaître à qui nous avons affaire. Eh bien, j'ai fait quelques recherches sur nos deux protagonistes. Par recherche, je veux dire que je suis allé voir sur le site d'Occupation Double là, qui est-ce qu'ils étaient. J'ai consulté leur fiche. Après tout, c'est assez bon pour les rendre éligibles à l'émission de la télé la plus populaire, oui, à TVA, et la plus populiste également. Et c'est bien assez pour se faire une bonne idée de qui ils sont en réalité dans notre très, très bonne émission de qualité supérieure, comparativement à ça. Faut leur grandeur puis leur poids pour commencer la couleur de leurs yeux. Oui, en effet, ça se retrouve là-dessus. C'est en haut, à côté de leur photo, c'est assez... Mais Hubert, lui, sur sa fiche de candidat, répondait à la question « Qu'est-ce qui te distingue des autres par « Je suis drôle, beau et je parle beaucoup ». Oh, oui. Heureusement, Hubert n'a pas spécifié s'il parlait beaucoup de choses intelligentes ou non. Heureusement pour le premier ministre, je ne pense pas qu'Hubert parle beaucoup de causes sociales comme Idle No More. Puisqu'à la question quels sont tes champs d'intérêt, eh bien le beau Hubert a répondu le sport en général. Ben oui. Sérieusement, messieurs, cette chronique-là s'écrit toute seule. La fille, pour sa part, présente un dossier de candidate un peu plus intéressant. Étudiante en communication et politique, elle affirme que ses grands centres d'intérêt sont la politique et la mode. On peut donc imaginer qu'elle envisage une grande carrière en politique. On sait qu'être vue en train de frencher en bikini à Occupation Double, ça aide beaucoup à être pris au sérieux dans le monde de la politique. Imaginez donc également ce que peut représenter une photo auprès du premier ministre Harper, le premier ministre qui est aimé de tous au Canada et au Québec. Tous et chacun. Oui. Le seul petit hic dans tout ça, c'est que Andréane a écrit dans son CV d'Occupation Double qu'elle n'avait pas l'hypocrisie et les fausses promesses. Mmh. Pourtant, ce sont deux qualificatifs qui vont souvent très bien à notre cher premier ministre conservateur. On imagine donc que c'est par amour et pas n'importe lequel, celui, le vrai, celui qui vient avec un condo et un char, une quinzaine de covers de revue à potin également, qu'Andréane a accepté de rencontrer le premier ministre avec son amoureux Hubert, qui aime beaucoup les conservateurs. Il aurait d'ailleurs même déjà affirmé qu'il voulait se présenter pour le parti lors d'élections futures. Espérons-le que ces élections-là sont plus loin que proches dans la région de Québec. Si jamais notre couple princier de cette édition d'Occupation Double n'arrive pas à se faire élire, souhaitons que Stephen Harper leur offrira, oui, un poste de sénateur, parce que n'importe qui peut devenir sénateur, n'est-ce pas? Jacques Demers. Soulignons aussi qu'Hubert pourrait trouver des comparses au Sénat, comme le sénateur Patrick Brazeau, celui-là même qui s'est fait mettre KO par le frêle Justin Trudeau, qui est également un enthousiaste des cheveux, comme Hubert, qui a déjà dit, Andréanne, lorsqu'ils apprenaient à se connaître, « J'aime ça que t'aimes les gars avec les cheveux longs. C'est le fun parce que moi, j'ai les cheveux longs. Hein? » c'est le seul bout d'Occupation Double que j'ai vu cette année. Et c'était... C'est une citation exacte. Ah oui, c'était du vrai crunchy. Il était genre dans un bain tourbillon sur un deuxième étage. C'était très drôle. Et donc, mes amis, il est temps de laisser de côté cet acharnement-là envers Hubert et la fille qui n'ont pas à subir l'ire de nos médias biaisés de gauche. Après tout, ce ne sont que deux pauvres échoués médiatiques. Et pauvres est le mot. Tout ce qu'ils voulaient, après tout, c'est un peu d'attention de la part des Québécois parce qu'ils sont drôles, beaux et qu'ils parlent beaucoup. Pas pour leur profondeur ou leur consistance non plus. Non. Il est temps de mettre fin à cette guerre à l'ignorance puisque, comme le dit à peu près la maxime, béni soient les ignorants puisqu'au royaume de Stephen Harper, ils seront reçus en génie, les génies qu'ils sont. Theresa Spence, pour sa part, n'a peut-être pas pu rencontrer le premier ministre, mais heureusement, elle n'aura pas à être comparée à Hubert et la fille d'Occupation Double. Cold tears. Il s'agissait de la pièce Breakers du groupe Local Natives qui sort un album la semaine prochaine. L'album s'appelle Hummingbird, premier album depuis leur premier de 2010 qui avait été enregistré en 2008. Donc, ça fait quand même un bout là, qu'il n'y avait pas rien de nouveau de leur côté. C'est bon. Franchement intéressant. Vous pouvez aller l'écouter sur iTunes. Cool. Il est en streaming, en présentation. Continue, oui, voilà. Vous pouvez l'écouter dans son entièreté avant de l'acheter, c'est intéressant. Vous pouvez le précommander aussi. Merveilleux, ça. Simon, merci beaucoup pour... Merci de m'avoir reçu. Ta chronique, moi, j'allais dire que, tu sais, comme tous les couples de vedettes, mettons Brangelina ou dans le temps, peu importe, il faut combiner les prénoms des deux. Fait que, tu sais, moi, j'irais pour Andréanne et Hubert d'Occupation Double, j'irais Saint-Hubert au lieu de Saint-Hubert. Saint-Hubert. Ah! Oh! Une fille avec ses... C'est ça. Ouais. Alors, mais, tu sais, elle a tout pour réussir en politique. Ouais. C'est... Ses cheveux sont beaux. Elle a des beaux cheveux. Puis elle a un teint aussi rôti. C'est vrai, ça. Hein? Ben, souvent, elle a la même couleur que ses cheveux. C'est ça qui est drôle. Hein? C'est le spray tan qui est peut-être un peu fort. Wow! Simon, on te retrouve à l'album classique vendredi matin? Effectivement. À 10h? Oui, vendredi matin à 10h. Très dispo. On écoute un album complet, on a un vinyle. Dans l'ordre que l'artiste voulait que ça étende, que ça joue. Exactement. À peu près ça. Ça à c'est une bonne ça un matin, ouais. Tu l'auras, Mathieu. Un matin vaut mieux que deux, tu l'auras. Aussi, les éphémérides du rock avec Alain Lefebvre. Oui. Ouais, toujours les vendredis, mais à 11h. Tout de suite après, un concept de combo. Combo pack. Combo pack pour apporter. C'est un 4x4 qu'on appelle chez Rotisserie Fusée, je pense. Et puis lundi prochain, évidemment, 7h30 pour ta chronique à Assemblage Requis. Si bon humeur vous déplaît. En effet. Ouais. Ah, je voulais souhaiter bon carnaval à tout le monde et dire que Histoire a des bonnes chances de torcher cette année. Histoire torche? Ouais. C'est à noter. Histoire torche. On partira pas un débat ici, là. Alors, il n'y a pas de débat à avoir. On s'en ligne pour la coupe. Oui. On est arrivé 5. En fait, je suis plus en histoire, mais le lac en histoire est arrivé 5e l'an dernier. C'est le meilleur score à vie, selon Mémoire d'Homme, parce qu'on n'a pas nécessairement les scores d'il y a 10 ans. Mais c'est quand même assez intéressant. Il y a des bonnes chances. Et je serai également de la partie pour le défi C'est fou cette année pour la cinquième fois non consécutive. Ça, c'est jeudi. Non consécutive parce qu'il y a une année que c'était lui qui le faisait. Il y a une année, c'est moi qui l'ai animé. Il y a une année que j'ai juste. J'étais pas là, mais ouais. C'est ça. Superbe. C'est jeudi à la chasse-galerie. Oui. Voilà. Venez me voir remporter ma dernière victoire. Oh. Et espérons-le faire une petite leçon à Charles-Élie Brodeur qui. Et qu'il l'a gagné souvent, lui. Voilà. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Les gars sont lancés. On s'en va entendre un petit peu de Yukon Blonde. C'est excellent. Voici Radio tout de suite à Assemblage Requis. Puis après ça, ben, on parle avec tout plein d'invités spéciaux qu'on a en studio. On ne dit pas qui dans quel ordre, mais je pense qu'on va parler de fitness en premier. Oh. C'est un indice, ça. J'ai vu dans la fenêtre et dans la fenêtre. Oh, c'est, allô? There's nothing on the radio, so on your feet. C'est Radio de Yukon Blonde à Assemblage Wiki. C'est tellement bon cette pièce-là, on se tente jamais. Dans quelques minutes, on parle de fitness et de Zumba avec Joanie Chiquan. Ça va dans quelques minutes. Jean-Philippe, tu vas être là? Oui. Oui. On va recevoir aussi quelqu'un du carnaval étudiant. Quelqu'un. Ben oui, quelqu'un. Pourquoi je prends une voix aiguë demain quand je finis mes phrases? Je sais pas. C'est pas grave. mais pour l'instant, on prend une pause, là, c'est là. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bon retour à Assemblage requis, toujours en ce lundi 28 janvier 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau, disons-le. Oui, oui, Charbonneau, mais tantôt, il oubliait son nom de famille. François-Olivier fait la même chose. Je m'appelle François-Olivier. Voilà. François, le prénom. Olivier, le nom de famille. T'es pas un acteur connu, je sais pas quoi, qui finit par Olivier. Là. Non. Genre Guimond, non, ça c'était son prénom, ça aussi. Bref, Joanie Chiquan est avec nous. Bonjour. Oui, bon bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. On est très en forme aujourd'hui. Il fait froid. Oui, absolument. Hein? On se réchauffe les mains dans des langues dans le studio. Tu nous parles aujourd'hui d'une activité de fitness et de Zumba. On t'a déjà reçu à l'émission il y a quelques mois pour en parler. C'était la même activité ou ça a changé? Oui, c'est dans le fond, on refait notre premier workout qu'on avait fait. La première fois, oui, c'était de la Zumba. Là, cette fois-ci, on propose aussi en deuxième partie du yoga. Donc, ça fait comme une partie plus détente et flexion et souplesse en supplémentaire. Et cette année, ça va être Isabelle Arsenault qui travaille au CAPS, qui va faire aujourd'hui l'animation de cette activité qui va avoir lieu, au gymnase du CAPS, à vrai dire, de 11h à midi. OK, donc on se présente au CAPS, on arrive là, on est guidé vers le local, j'imagine. Ah ouais, je risque d'être dans les alentours là, dans l'entrée ou proche de l'entrée du CAPS ou du gymnase. OK, donc toi tu donneras pas l'entraînement, tu vas être là à l'entrée. C'est ça. Je suis celle qui l'organise. Oui. Est-ce que c'est une activité qui s'adresse aux débutants? Ça s'adresse à tout le monde, je dirais, même autant les étudiants que le personnel de l'université, c'est gratuit à vrai dire pour tous. C'est pas un haut niveau, c'est assez le même niveau qu'on retrouve quand on prend les cours à l'université, là, ces cours-là d'aréobie. Donc, moi, je vous avouerai, je les ai faites, là, je dirais que c'est débutant intermédiaire. OK. Ouais. Ben, si on veut donner plus, souvent, l'animatrice, là, elle propose des choses supplémentaires. Comme si vous voulez pousser plus, vous pouvez enlever les genoux, lever plus haut ou sauter plus haut. Souvent, ils nous proposent plusieurs niveaux. Ouais. Si c'est vraiment bon, j'imagine que tu as l'option rire des autres. Non, ça, on fait pas ça. Jean-Philippe. Ouais, moi, c'est mon genre. C'est ça. Mais moi, je fais rien, par exemple. Tu restes, est-ce qu'il y a un divan pour que Jean-Philippe puisse s'asseoir et dire tu t'es planté ou quelque chose comme ça? Non, il n'y a personne qui fait ça. Non, il n'y a personne. Personne ne va te juger, là. Non, non, non, pas c'est du ça. Tout. On est là pour avoir du plaisir, puis bouger un peu en ces temps froids. Ben, je pense que c'est le meilleur moment pour commencer à faire les exercices après les fêtes aussi, en plus. Mm-hmm. Les gens veulent perdre du poids. Fitness égale se vider la tête de tous tes problèmes. Ah oui, surtout en yoga, là, en plus. C'est être zen, là, c'est un peu. Là. Zénitude. Oui. Donc, on rappelle l'heure et l'endroit? Oui, c'est au gymnase du centre sportif à l'université. Ça va être de 11h à midi. Donc, une partie Zumba puis une partie yoga. Animé avec Isabelle Arsenault. Voilà. Et vous pouvez trouver des informations. Il y a un petit peu de... Il y a des affiches affichées un petit peu partout. Oui, il y a des affiches un peu partout dans l'université. On est aussi affichés sur les télévisions. Oui. Oui. Puis on est sur En Tête, en plus. Et on a aussi une page Facebook, évidemment. Aïe, aïe. De cliquer Défi Santé, vous allez nous trouver. Et même nous sommes sur le site de l'université, c'est uqtr.ca/capsule santé. Oui, ben parle-nous-en justement de ces capsules santé-là. Oui, hey, ça a avancé depuis la dernière fois. au total, on veut en réaliser 3. C'est sur 3 sujets différents. La première, c'est sur l'hydratation, après l'activité physique, et ensuite l'alimentation. Donc, on a déjà réalisé les 2 premières, donc il va nous rester celle de l'alimentation à produire. Qu'est-ce qui est vraiment, vraiment génial pour l'activité physique? On a eu Pierre Lavoie, un grand athlète, athlète qu'on pourrait dire, qui propose souvent qui fait souvent des Runman, comment on appelle ça? Ironman. Ironman, merci. Ça, ça a l'air difficile, hein? Oui, quand même. Pas pour moi. Non, moi non plus. Ça se fait pas assez, ça non plus. On se louera un divan. Donc, on peut voir dans la capsule santé sur l'activité physique quelques cues qu'il donne par rapport à comment on peut intégrer ça dans notre vie quotidienne. Parce que lui, avant, il ne faisait pas vraiment beaucoup d'activités, mais il était motivé et poussé par la vie, qu'on pourrait dire. Donc c'est agréable de pouvoir l'entendre, puis surtout que c'est une personnalité connue un peu. Puis quant à la capsule santé sur l'hydratation, on a eu Caroline, la grande nageuse là, des Patriotes. Pas Caroline, Caroline. Non, Caroline, la pierre à la fond. Non, je sais pas. Ouais. J'ai vraiment pas été d'aide sur celle-là, je suis désolée. Non, mais les noms composés quand il y en a 3 à un moment donné. Ouais. Ah, ouais. Je comprends plus rien, ça. Ouais. Ouais. Mais dis-moi, faut que c'est avec elle aussi qu'on a fait la vidéo. Puis sur l'alimentation, on est en train de regarder ça. Peut-être que ça va être quelqu'un qui enseigne ici à l'université. Ouais. Bon, tu le souhaites? Ouais. Si c'est ce que tu veux, c'est ce qu'on souhaite. Voilà. Donc, UQTR.ca/capsule santé pour ces capsules-là. Oui, ou sinon, ils sont sur YouTube. Puis sur notre page Facebook, moi, je les ai insérés aussi. Donc, les gens peuvent aller les voir un peu partout. Ah, que t'es social. Tellement social. Oh, ouais. Joanie Chicoine, merci. Ça fait plaisir, merci. Tu reviens quand tu veux? Oui, absolument. Voilà, si t'as 3 capsules, 3e fois, faut que tu reviennes. Ah, parfait. De toute façon, jamais 203. Oh, oui, c'est ça. Essaie de renchérir là-dessus. C'est ce qu'il dit, Yvan. J'essaie de réinsérer Divan. Divan, ah oui. On écoute la descente du coup. Voici Généalogie. Merci encore, Joanie Chicoine. Ça fait plaisir. Certains sont nés la balle au pied, tout sont juste pieds et ballonnés. Obus sans c'est précise, tordu en forme de crise, voyou fourré d'avarité, saucisse fumée, veux-tu manger? Michel, à Assemblage requis. On l'a fait-tu? Fais-la toi-même. Oui, fais-la. Donc, on a, pendant que Pote Michel jouait, ouais. Marie-Michel Boudreau est en nombre. Pop! C'est Pote Michel! Ah, bonjour, bon matin, mon Pote Michel! Je sais pas c'était quoi cet accent-là. Hein. Non, pas je accent, sais pas. Là, non. Non, c'était allemand? Oui. Oui, c'est ça. Donc, Marie-Michel Boudreau. Oui. Qui est avec nous, bon matin. Bon matin. On va t'avoir tous les matins cette semaine pour parler du carnaval. Oui, tous les matins jusqu'à jeudi. Oh! Oui, parce que de toute façon, vendredi, on n'est pas là. Non, mais ben, elle peut venir pendant Rock Classique si elle veut. Oui. Ah. Ça pourrait même pas marcher. Donc, on va faire un petit peu la liste des activités qui vont avoir lieu pendant le carnaval. Est-ce qu'on parle un petit peu de la thématique du carnaval au grand complet avant d'aborder le jour en particulier? Oui, la thématique du carnaval, en fait, c'est le 25e anniversaire du carnaval cette année. Puis, nous, on s'est dit qu'on aimerait se faire une rétrospective un peu de ce qui s'était passé les 25 dernières années. On y était du côté du cinéma. Donc, c'est une rétrospective cinématographique des 25 dernières années. Il y a Star Wars, il y a Harry Potter, il y a Avatar. On a été vraiment là jusqu'en 1989. Puis, les 25 associations participantes ont chacun un thème. Puis, tout ça là, va tourner un peu autour de... On va y aller aussi en musique des 25 dernières années. On va vraiment... Là, exploiter le thème à fond. Cool! Ça va être très intéressant comme sujet. À chaque année, il y a tout un thème vraiment frivole. Là. C'était quoi? C'était Charlie? Oui, Charlie, l'année oui, passée. Charlie. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme sujet? Il y a eu carnaval animé, je crois, avec ouais. des petits bonhommes. Carnaval évolué aussi. Ouais. Avec les... Cool. Ouais. Donc, parlons de la journée d'aujourd'hui, lundi 28 janvier. Qu'est-ce qu'il y a au programme? Oui, ben on commence ce matin là, avec les Cafés Baileys. Classique. Oui, c'est Communication Sociale qui nous accueille ce matin avec leur Café Baileys. Puis, on y va ensuite du côté de la parade qui commence au MS dans les alentours de 10 heures. Fait que c'est là que les associations vont parader, déguiser comme leur thème. C'est vraiment un début là, excitant. Là. C'est le fun de voir tout le monde dehors déguisé. Il va y avoir des chats allégoriques. Ça va vraiment être... c'est vraiment quelque chose là, de voir ça, de commencer le carnaval comme ça. Puis ensuite, on y va dehors. C'est dehors les activités après. Jusqu'à 14 heures, il y a des activités à l'extérieur. On a les sculptures de neige, oui. En fait. Puis on a une sculptrice professionnelle qui va venir nous faire des démonstrations aussi avec les étudiants. On fait de la shotgunner dans notre équipe? Ah! Personne ne l'a demandé encore. Mais bonne idée. Oui, j'étais un petit coquin. Un point. Donc, on a une fille là, qui va venir faire de la sculpture aussi sur glace. Puis ensuite, ça va être le Ultimate Frisbee. Oui, ouais. Ultimate Frisbee, c'est un sport reconnu. Je n'ai déjà entendu parler. À ce qui paraît que maintenant, ça s'appelle juste Ultimate parce qu'ils ont enlevé le Frisbee. Parce qu'apparemment, c'est copyright. Là. Hein? Oh, t'as entendu ça, toi? Mais non. Ben oui, c'est un fait. Oui, j'allais le dire. Donc, Ultimate, l'idée, c'est que tu te lances le Frisbee de façon oui. ultime. Exactement. De façon ultime, exactement. Puis ensuite, il y a un quiz là, sur Cinémascope-moi, tes connaissances, en okay. fait, qui va être sur un quiz là, sur les films qu'il y a dans, sur chaque association, en fait. Puis, vers 19h, il y a À la manière 2, qui est de l'improvisation. Fait que les étudiants des associations vont être jumelés avec des joueurs de la Luître. Mm-hmm. Puis, il va y avoir un petit match amical. Puis ensuite, il y a la soirée tapis rouge là, qui est comme l'ouverture puis la célébration du 25e anniversaire du carnaval. La bière, 2 pour 3 piastres. Il y a un DJ, il y a des photographes. Il va y avoir du pop-corn. Il va y avoir plein de belles surprises là, qui attendent les étudiants ici ce soir. C'est beau à voir. J'ai bien hâte de voir défiler ça devant nos bureaux aujourd'hui. Vous serez peut-être pas trop tranquille aujourd'hui. Sûrement pas. Ni cette semaine. Peut-être que nos portes seront fermées par moment. mais ça commence avec les Cafés Baileys. Ça commence à quelle heure, ça, déjà? 8h30, hein? C'est commencé, oui. C'est déjà commencé? Oui, à 8h. On va vite en musique. Jean-Philippe, c'est ça. À la course. c'est tout, donc, pour la programmation d'aujourd'hui. Exactement. On va se retrouver demain et tous les jours jusqu'à jeudi pour parler des activités de la journée au Carnaval étudiant 2013. Ici Maman Lecuteur. Oui. Merci Marie-Michel. Merci à vous. Bon carnaval. Ben oui. Bon carnaval à tous. Dans quelques minutes, Sébastien Dulude et sa chronique éditoriale culturelle va voyager. J'y suis. Mais pour l'instant, on écoute East Road avec First Morning Light. À Assemblage Requis, il est 8h30. Stay. Ah, c'est East Road, hein? Ah, sont-ils bons, hein? Oui. C'est la pièce First Morning Light à Assemblage Requis. Il est 8h18 et là, là, si tout va bien, là, dans les prochaines secondes, là, dans les prochaines secondes, oui. Oui. Je suis pas sûr. En attendant, je peux t'expliquer que ce matin, j'ai failli être en retard, okay, puisque je ne trouvais plus mes écouteurs. Non. Oui, j'ai fait du ménage en fin de semaine. Ouais. Et puis, comme toute personne qui fait du ménage, après ça, tu retrouves plus tes affaires. C'est vrai que t'es habitué à vivre dans tes affaires un peu éparpillées. Uh-huh. Fait que là, je courais partout, à droite, à gauche. J'ai pété un bouton de mon manteau. Finalement, j'ai toujours des péripéties de matin, le lundi. Ben oui, qu'est-ce que t'as, coudonc? Qu'est-ce que tu manges, toi? Je sais pas. Oui. Et en tout cas, c'est ça. Hey, pauvre toi. Hein. Fait que la tendance n'est pas maintenue. Puis, pas tellement. Non, on va l'entendre, exercice des trois accords. Puis après ça, là, normalement, ça devrait être bon. On vient avec Sébastien Duluthier. D'accord. Tout arrêt sur ce banc nous est interdit. Il est fait pour ceux qui le regardent vu d'ici. Ce trottoir fut conçu spécifiquement. Les trois accords et exercices à Assemblage Requis. Sans perdre plus de temps que ça, Jean-Philippe. Moi-même. Tu connais Sébastien Tulude? Certainement. Il a des opinions tranchées. Et il a pas peur de le dire. Puis il est avec nous en studio. Moi, j'ai juste la tête qui hoche. Salut Sébastien, ça va? J'ai oublié d'ouvrir ton micro? Non. Non, on l'a rencontré un petit peu plus tôt cette semaine, il est pas avec nous en studio. Voici Voix Voyage, j'y suis. Sébastien Duluth,

As the moon sets, the We Are Wolves. Ah, ouh. Oui, ouh. Non. Et en plus, c'est presque la pleine lune, je pense. Wow. Il me semble que c'était éclairé hier soir. C'est peut-être juste mon lampadaire qui marchait bien. Je sais plus. Je sais plus. On dirait que j'hésite. Tu me regardes avec des yeux qui... Je sais pas, mais j'allais dire après la pause de l'horoscope, si on parle des phases de la lune puis tout. Oh! Horoscope après, non? Oui. Ça va plus le temps d'une culture, je pense, qu'on va faire. Ouais, OK, mais ouais, là, je vois Alexandra puis ça me rappelle sa chronique. Ouais, ouais. Assemblage qui pour toi aujourd'hui? Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Ben non, pas ça. Celui-là ici, attention. Le plan de demain à assemblage requis. On accueillera un nouveau chroniqueur, Jean-Antoine Rioux du club de plein air UQTR. On parlera du système judiciaire avec Michel Lebrun et son segment panier à salade. Et Angie Durocher aura quelque chose qui se doit d'être intéressant, comme dans l'index, c'est le nom de la chronique puis de doigt. Le... C'est demain 7h à assemblage requis. Soyez-y. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Assemblage requis. Vigilance auditive nécessaire. Plan inclus. 8h37 minutes, toujours avec Jean-Philippe Chabonneau. Toujours. Oui, Mathieu Blanc. Et toi-même. Je pense qu'il va falloir peut-être reculer un petit peu la pièce d'intro d'Alexandra parce que j'ai fait jouer le début tantôt. Oui. On l'a reculé un petit peu. On l'a avancé un petit peu de main. Ça, un petit peu avant ça. Là, c'est à peu près là. Ça commence. Ça. Wow! Comment scraper un début de chronique avec Mathieu Plante? 101. Salut Alexandra Carignan. Bonjour à vous deux. Allô, allô. Ça va? Ton énergie a l'air présente à merveille? Ben, mon énergie n'est pas nécessairement présente normalement, mais c'est dès fake. La fin de mon thème, oui. Là, elle rentre en moi et elle, c'est ça. Wow. Mon thème me donne... J'aime beaucoup mon thème. Oui, c'est comme Mentos. Mais c'est à la place, c'est ton intro, Fresh Maker. Oui, Mentos, un manteau. Les pubs, c'est tellement mauvaise, mais ça met d'énergie. Ça. Sincèrement, là, mon cerveau avait oublié ça. Bon, je suis là pour te le rappeler. Oui, c'est ça, évidemment. Je sers à ça. Donc, chronique culturelle, le temps d'une culture. Alexandra, tu nous parles de quoi cette semaine? Cette semaine, je vous parle premièrement de documentaire et deuxièmement de politique. Cool. Alors, premièrement, le premier volet, ça va être en fait les nouveautés de l'ONF qui sont déjà commencées depuis la semaine dernière. C'est à chaque année, on reçoit les nouveautés de l'ONF à Trois-Rivières. C'est gratuit, c'est une présentation des meilleurs documentaires qui se sont faits ou qui ont été achetés par l'ONF cette année. Et sincèrement, là, c'est des plus intéressants. On voit de tous les côtés des sujets, en fait, autant politiques, culturels que médicales. D'ailleurs, vendredi passé, il y avait l'industrie du ruban rose. Si vous n'avez pas vu ça, c'est vraiment très troublant, là, à montrer comment aujourd'hui le ruban rose est plus une industrie qu'une cause. Ouais. Bref, moi, j'achète plus rien de ça. C'est très intéressant, les documentaires qu'on voit, c'est souvent revendicatif. Revendicateur. Ça revendique. Malgré que ça revendique. on checkera pour l'orthographe un peu plus tard. Alors, je vais vous dire en bref là, ce qu'il va y avoir. C'est très, très, très intéressant. Mercredi de cette semaine, il va y avoir Les États-Unis d'Afrique, qui est un documentaire sur la jeunesse africaine. On suit un rappeur africain qui, lui, va dans toutes les villes et dans ses concerts, en fait. C'est vraiment un documentaire qui montre le beau côté de l'Afrique, le beau côté de la relève politique qu'on va avoir. C'est un des seuls documentaires, d'ailleurs, qui présente une vision qui est optimiste de l'Afrique, quand même. Et là, je vous jette les documentaires, mais c'est gratuit. Je vous ai pas fait le topo au début. C'est des documentaires gratuits, majoritairement présentés à la Maison de la Culture, à la salle Alain Salarousseau, 19h. Mais si vous voulez plus d'informations, là, tapez les nouveautés de l'ONF Trois-Rivières sur Google, là, puis ça vous emmène directement sur toute la plage horaire. Alors, les États-Unis d'Afrique, qui est très, très, très intéressant. Il y a aussi, on présente 30 tableaux de la cinéaste québécoise Paul Baillargeon, qui a gagné d'ailleurs, je crois, est-ce que c'est la disque Félix ou un truc hommage là, l'année dernière? Majestu. Un truc hommage. Mm-hmm. Je sais pas c'est quoi. Félix, à disque, bref. Un prix. Et pour son documentaire, d'ailleurs, qui est sur sa vie, ça, c'est sublime à ce qui paraît. Là, c'est très, très beau. C'est ce jeudi 31 janvier. Et pour l'occasion, Paul Baillargeon sera là, ce qui va être très intéressant. C'est présenté au Ciné Campus, donc pas à la salle Saint-Laurent-Rousseau, mais bien dans la salle du séminaire. Il y a aussi il y a des documentaires un peu plus difficiles, comme Une dernière chance, qui, en fait, est celui qui... En fait, on voit 5 demandeurs d'asile qui sont victimes d'homophobie dans leur pays. Donc ça, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est des menaces de mort qu'ils reçoivent et ils demandent l'asile au Canada, puisqu'ils sont soit des transsexuels ou des gays. Donc, on voit tout le parcours de l'avocat qui, lui, tente de plaider leur cause. Il y a aussi les points de la fierté, le 6 février. Ça, là, moi, j'irai pas voir ça parce que c'est tough. Là. Ça suit le quotidien des garçons dans un camp de boxe thaï, dans le fond, en Birmanie. Et où est-ce que les jeunes d'à peu près 8 ans sont obligés, ben pas sont obligés, mais... Sont forcés un petit peu à faire de la boxe. Mmh. Et ceux qui gagnent réussissent à avoir de l'argent pour nourrir leur famille. Donc, dans le fond, ils font ça pour... C'est légal. Ils ont des coachs et tout. Mais c'est difficile, là. Moi, j'ai vu l'annonce, puis je filais pas bien. Et finalement, un de mes coups de cœur, ça va être présenté à Borealis. C'est ce qui va closer. C'est ce qui va terminer la programmation. C'est le 13 février prochain. Ça s'appelle À Saint-Henri le 26 août. Et c'est plusieurs cinéastes qui ont arpenté les quartiers de Saint-Henri à Montréal la même journée, soit le 26 août. Et ils ont tous regroupé des segments de leur documentaire en un documentaire. Tout ça sur la trame sonore de Patrick Watson. Oh, wow. Donc, ça va vraiment être très, très bon. Pour ceux qui aiment un petit peu, là, pour ceux qui viennent de la région, les documentaires faits soit par Alexandre Dosti ou David Leblanc, ça ressemble beaucoup à cette esthétique-là. Une esthétique un peu de Sainte-Cécile. Moi, j'adore. C'est très beau. C'est très, très beau. Donc, À Saint-Henri, le 26 août, c'est gratuit encore. Ça va être le 13 février prochain, soit une journée avant la Saint-Valentin, le mercredi. C'est romantique. Je crois, c'est ça, hein, le mercredi. Tu saurais plus que moi, étant donné que toi, la Saint-Valentin, c'est quelque chose que t'aimes, hein, c'est ça? Ben, t'es une fille? Est-ce que je sais? Oh là là, la généralisation, Mathieu. Excuse-moi. Non, mais j'ai pas un amour... qui ne veut pas mourir. Invétéré vers... qui ne veut pas mourir avant la Saint-Valentin. Alors, c'est à Borealis. C'est un mercredi, là, je confirme. C'est un mercredi, et voilà, donc... T'avais raison, tu le savais. J'avais raison. Mais non, mais c'est parce qu'en fait, j'en ai un cours le jeudi, puis ils ont un travail à remettre le 14. Bon, d'accord. Bref, c'est tout ça. Si vous voulez avoir plus d'informations, il y a aussi les petites vues au Centre culturel Pauline Julien qui reviennent à chaque année, là, qui présentent aussi une soirée gratuite de court-métrage avec l'ONF. Bref, il y a vraiment plein d'activités qui tournent autour des nouveautés de l'ONF. Là, je vous ai décrit les grandes têtes d'affiches, mais il y en a beaucoup autour. Alors, je vous invite à aller sur le site de v.v3r là, pour point voir net, ouais, un truc. Ouais, point net ONF Trois-Rivières dans Google. Pour aller voir tout ça. C'est très intéressant. On est chanceux d'avoir ça à Trois-Rivières. Ouais. Et c'est vraiment débile. Avant que tu continues avec ton prochain sujet, tu sais, moi, j'essaie de pas trop faire de blagues dans ta chronique parce que sinon, c'est un petit peu inapproprié, ça, des fois. Ça. Mais Paul Baillargeon, OK? Son documentaire n'est pas plate, fait que tu bailleras pas. Baillargeon, OK? ONF, je les appelle ronflera pas. C'est pas plate. C'est pas plate. Mes blagues sont faites. Ah non, il y a resté une autre, je me rappelle pas de l'autre. Tu devrais les noter. Moutazine. Laisse faire. Continue. Ça reviendra tantôt. C'est ça. Alors, c'était pour la partie documentaire. Là, ne me dites pas que vous n'avez rien à faire à Trois-Rivières parce que hein, c'est occupé. Et pour ce qui est de mon deuxième sujet chronique, j'avais dit politique tantôt, je fais une revue, en fait, parce que là, je vais vous en parler, je vais vous teaser, mais c'était la dernière représentation, donc vous pourrez pas aller les voir. C'était le spectacle des Apartistes 2012. Moi, je suis une grande fan de politique et particulièrement de politique gauchiste, on se le cachera pas. Ben non. Mais alors, je suis le public tout cible des Apartistes. Ils étaient à Trois-Rivières le 12 janvier dernier. C'était magnifique. Mais il faut dire qu'avec l'année qu'on a eue, ça donne matière à faire un bon show. Mmh. Effectivement, d'ailleurs. C'est un show de 3 heures. Donc, quand même, c'était très, très long. Et je te dirais qu'un bon 1h30, la moitié du show s'est faite sur le printemps érable. Quelques bons petits gags, d'ailleurs. Un remake de C'est moi de Marie-Mé avec des carrés verts. Moi, j'ai adoré ça. Oh, oh. Des beaux petits jeux de mots comme ça. T'sais, quand tu changes la toune, c'est... Mais là, c'est ça. C'est moi. Je le ferai pas passer dans le... Non. Mais donc, c'était très, très bon. Écoute, Charest, Beauchamp, qui était la marionnette de Charest. D'ailleurs, je tiens à mentionner Jean-François Nadeau, qui a joué dans une émission à Télé-Québec. Bref, je m'en rappelle plus comment. En tout cas, il est bien cute. Et c'est celui-là. C'est le nouvel arrivé parce qu'il y avait François Parenteau qui était là avant, qui était un grand, qui était le pilier des apartistes, qui d'ailleurs fait la voix sur la chanson Libérez-nous des libéraux de Jean Charest au début. C'est un... Mais il est parti. Donc c'était un gros morceau qui était parti des apartistes. Jean-François Nadeau est arrivé et il imite Jean Charest à merveille. Et d'ailleurs, tous ses personnages sont bons. Il fait aussi Stephen Harper. Toutes ces interventions, là, dès qu'on savait que ça approchait les micros, on savait que ça allait être bon. Alors, sincèrement, ça a été très, très... ma petite découverte de la soirée. Ah, en plus, il est cute. Qu'est-ce que je veux dire? C'est ce qu'on retient. Il est bon. une belle revue politique, mais aussi en général. Donc, on a parlé un petit peu de sport ou du post-sport de l'année. Donc, du knockout. On a eu droit à un sketch qui est délicieux de Ron Fournier qui est à la radio avec un de ses auditeurs et qui ont analysé à la manière de hockey la course la course de Marois et Charest. C'était délicieux avec tous les gags. Toi, t'aurais adoré ça. C'était les jeux de mots de hockey et de politique. Ça en était complètement délicieux. Mais comment ça qu'ils diffusent pas ça à TV, l'affaire des apartistes à chaque année de même, non? Ben, en fait, je pense qu'il y a des DVD qui sortent éventuellement. Là, oui. Donc, sur DVD, je peux me procurer ça. Parfait. Oui, éventuellement. C'est ça, parce que là, c'est sûr que c'est pas encore... Faut que je fasse vite, parce qu'à un moment donné, les blagues de 2012, tu sais, on va être en février bientôt. Oui, c'est sûr. On se dépêche sur DVD. Pour trouver un show vieux des apartistes bon. Un bon show des artistes qui serait soit, pas récent. Soit faut que tu l'aies vu, ouais, c'est ça. Soit que tu l'aies vu ou que tu connaisses vraiment la politique de l'époque pour comprendre les gags. Ben parce que moi, la première fois que j'ai été voir les apartistes, il y a 3 ans, j'ai eu de la misère parce que je connaissais un petit peu la politique, hein. Ouais. Mais pas tant que ça. Il n'y a pas de contexte autour des gags, donc il faut être au courant. C'est beaucoup d'inside. Ils vont pas aller t'expliquer, on a fait ce gag-là parce que telle affaire. Tu te rappelles-tu quand que. Non. C'est ça. Fait que c'est beaucoup d'inside. Quand tu connais plus ou moins la politique ou tu l'as effleuré, c'est un petit peu long comme show. Écoute, cette année, j'ai vraiment... depuis l'année passée, là, j'ai commencé vraiment à me politiser. Donc là, j'ai adoré tout. Mais tant mieux. Parce que c'est bien beau le bye-bye. Je veux dire, tout le monde aime ça. C'est correct. C'est moyen. Mais tu sais, t'as pas besoin de contexte parce que c'est tellement fait pour tout le monde. Oui, c'est ça. Qu'ils prennent que la chose que tout le monde connaît. Fait qu'il y a pas de gag là-dedans. C'est toute la grosse. On le savait déjà. On le savait tout déjà, mais c'est une blague avec. En tout cas. Tandis que c'est ça, les apartistes, ils faisaient 2 mots. Puis là, je savais qu'elle allait rire de la fille qui est à Washington. À RDI, tu sais, bonjour, ici Nathalie Globinski à Washington. Et là, tu sais, je trouvais ça drôle parce que j'écoute RDI, parce que, ainsi de suite, mais tu sais, ceux qui le savent pas, on fait comme. C'est long, ce sketch-là. Ouais. C'est ça. Alors, moi, j'ai adoré. Une très bonne politique des apartistes. Si vous êtes fan de la politique en général, regardez dans le coin d'octobre. Là, à chaque année, les apartistes viennent à Trois-Rivières. Ils font sale comble à chaque fois. Ça vaut la peine. C'en est délicieux. Et là, j'ai tout le temps une petite musique qui suit tout parce que j'ai normalement un segment musical. J'en ai pas. Mais je vais quand même vous passer une chanson de Jérôme Minière qui s'appelle « Par amour » et qui a été... c'est une chanson qui l'a sur son prochain album, mais qu'il a tout de même donné gratuitement ce printemps, puisque c'était dans toute l'ambiance du printemps érable. Ça s'appelle « Par amour ». Sais-tu où ça s'en va? Quel rituel se joue déjà? Dans la machine que tu côtoies, et quelle pluie lavera? Ce qu'il reste de foi, quel détour tu ferais, juste par amour. Sais-tu quelle chanson s'élèverait sans raison? Sais-tu quelle fièvre rendrait vraiment fier? Sais-tu quel combat libérerait notre joie? Sais-tu quelle chanson s'élèverait sans raison? Par parce que nous serions enfin tous ensemble vraiment bien. Tous ensemble vraiment bien. Où ça s'en va, raconter une histoire, faire dévier la trajectoire, déjouer les sentinelles, faire entrer l'armée rebelle, des armées et si belles, qui portent comme un emblème nos rêves et nos espoirs. Nos rêves et nos espoirs. Nos espoirs. Sais-tu où ça s'en va? Quel détour tu ferais? Juste par amour. Juste par amour. Juste par amour. Juste par amour. Juste par amour. Juste par amour. Juste par amour. Juste par amour. Juste par amour. Juste par amour. Juste par amour. Juste par amour. Juste par amour. Juste par amour. Et c'était Par amour de Jérôme Minière qui a mis en ligne cette chanson-là au printemps dernier, justement dans le cadre du printemps érable. C'était en lien avec ma chronique sur le spectacle des apartistes qui était ici le 12 janvier dernier. Alors voilà. Ça vous aide pour faire vos sorties culturelles cette semaine. En rafale, mercredi, nous avons les États-Unis d'Afrique à l'ONF à la salle Anaïs Allard-Rousseau. Jeudi, c'est 30 tableaux au Ciné-Campus. C'est gratuit, je vous rappelle, les ONF. Demain soir, si vous voulez aller voir de l'improvisation, c'est la Ligue d'improvisation mauricienne. 5$ pour étudiants, 6$ pour réguliers à la salle Louis-Philippe Poisson. C'est les Turquoises contre les Oranges. Turquoises, d'ailleurs, le capitaine Maxime Tanguay, qui joue à la Luître et qui anime. Voilà. Alors, bref, cette semaine, là, vous avez beaucoup de choses à faire. Tu as dit la Luître ce soir? Dans le carnaval? Oui, c'est ça. En fait, c'est dans le cadre du carnaval. C'est spécial. Donc, c'est ça. C'est un peu tout le monde. C'est des personnes des bacs qui jouent avec 4 joueurs de la Luître. C'est sûr que c'est un spectacle qui est quand même long, pas très rythmé. C'est sûr que c'est des personnes qui ne sont pas habituées par l'improvisation. Donc, si vous êtes des fans d'improvisation, que vous aimez ça voir un show, je dis pas de qualité, parce que là, je veux pas être... C'est pas pareil. C'est un peu pareil. L'équivalent, c'est pas la même chose, parce que la formule a été changée depuis, là, mais c'est un peu comme votre formule de Dieu merci dans les dernières années. Par contre, sans le concept de Dieu merci avec les décors. Oui, c'est ça. En fait, c'était trop compliqué, les Dieu merci. C'était beaucoup de travail. Il fallait écrire les sketchs. Ouais. Fait qu'à un moment donné, c'est qu'on était tellement appris dans les sketchs que c'est ça, on aurait pu être payé pour ça. Là, c'est juste de l'impro straight, mais t'as quand même l'équivalent de la personne qui est lancée dans quelque chose qu'il connaît pas. Oui, c'est ça. En fait, on a un arbitre qui lui va donner des pénalités, mais juste aux joueurs de la lune. Ça va être drôle. Alors, c'est ça. Donc, ce soir, 19h, par exemple, pas 20h, 19h au 10-12, si vous voulez voir de la Luître, il va avoir le bar ouvert. Sinon, si vous voulez de l'improvisation théâtrale, mardi soir, 20h, à la salle Louis-Philippe Poisson. Ah, bah, loup, loup. Et voilà. La Luître recommence. Non, pas la Luître recommence. Non. Lundi, la semaine prochaine, c'est la Coupe Trois-Rivières, d'ailleurs. Okay. Je mentionne, là, c'est les 3 équipes de Trois-Rivières, la Luître, la Lime et les anciens combattants qui se challenge pour recevoir le titre de la meilleure équipe d'improvisation de Trois-Rivières. Excellent. L'année dernière, c'est les anciens combattants qui ont gagné. Les Snoro. Certains vont vouloir avoir leur revanche. Oui. Merci Alexandra Carignan. À la semaine prochaine. Ben oui, à la semaine prochaine. Lundi à 8h30. OK, oui. Voilà. Nous, on transitionne vers notre mois de janvier épique. Vous le savez, tout le mois de janvier, on a quelque chose de nouveau à tous les jours et vous vous êtes dit depuis le début de l'émission, mais écoutons, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans l'émission d'aujourd'hui? Tout le monde est là depuis toujours. Ben oui, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'affaire? On a un nouveau segment, tu sais qu'au palmarès, c'est fou. Alexandra va être au courant aussi. On a un bloc, un instant classique où on présente les meilleurs moments d'assemblage requis toutes les semaines dans les palmarès, c'est fou.

Yeah.